met passe ni gwende. Monse a tel ni tout son fwen loupil la jo. Monse a tel ni citronel koni gade. Yo di monse a tel, se kon lanj Gabriel. Bon manche trinite, se li ka kontrole. Yo di monse a tel, se li ki gwen chandel. Bon manche toazile, se li fok koumande. Sou ni problem l'amou, mi apedou. Sous les problèmes santé, bien lélé. Sous les problèmes bokai, bien bail. Mais si vous jatez des banchés, à côté. Mon Zé Adel dit, moi la vie, moi t'es en bas. Moi vivre tout bout, ça qui coûte un dollar. Mon Zé Adel dit, moi ni poulet picona. Si vous les mangez l'été, la vie c'est pas comme ça. Yo di manze Adel, ka vive en mitan ciel. Bon marché marigo, c'est li ka fon reldo. Yo di manze Adel, c'est li ki mouche en miel. Bon marché la gondo, c'est li ka van siwo. Sous li problème l'amour, sous li problème santé, sous li problème bokai. Si ou jate panche, si ou ni problem l'amou, si ou ni problem santé, si ou ni problem bokai, si ou jate panche. Problème santé.